Planet Rap. À partir de maintenant. Yeah. T'es prêt ou quoi? Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau. Et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine. Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Joke passe par l'émission rap de référence. Are you ready? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Joke, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est reparti pour une nouvelle soirée avec Joke qui est là. Joke, comment va? Ça va et toi mon gars? Ça va, en pleine forme? Au calme, un peu fatigué. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tourné un clip encore aujourd'hui. Ouais, encore. Ah mais t'arrêtes pas. Mais c'est un des tiens ou c'est encore... Non, un clip à moi là. Ça, c'est un des tiens. 2014 à l'infini en fait, c'est un morceau extrait du EP là qui est sorti le 1er janvier de Lorraine Music. Et on va le passer tout à l'heure, je pense. Et bon, on va le passer tout à l'heure, donc on écoutera ce morceau, on écoutera d'autres titres d'Ateyaba, on parlera évidemment de cette tournée évidemment avec toi, Joke. C'est ça. Et un live de prévu ce soir aussi? Un petit live. Sais pas encore, moi. Tu vas glisser tout à l'heure. Et pour débuter, on se rappelle ce qui s'est passé hier soir dans l'émission avec Joke. Écoute, c'était hier soir, en direct sur Skyrock. Tu vois, mon morceau préféré, New Jack, je l'ai fait aux dernières semaines, tu vois. Et Casino aussi, je l'ai fait aux dernières semaines, j'ai carrément fait le dernier jour. En fait, j'ai fait le jour, je devais rendre les bandes deux jours plus tard, j'ai fait Casino. C'est ce qu'il faut que tu fasses sur le prochain album, quoi. Dès que tu rends les... Je fasse tout la dernière semaine, en fait. Dès que tu rends les bandes, tu mets une date précise au moment où tu rends les bandes. Et la semaine d'avant, je me mets à taper l'album. Et t'attaques la semaine juste avant. C'est Planet Rap sur Skyrock. T'as meuf ou même pas, un Jackie et Michel. Je passe mon temps à tirer des meufs ou tirer des ficelles. Trouve-moi dans la schneck d'une beurre et demi-sel. Le zen plein de coke, beurre et demi-sel. En tête de liste, avec deux mises, gros clip en 4K et en manque de pixels. Ramène une vixelle, j'abais jusqu'à 6M. Dérapage en petite BM, j'suis dans le cerveau à Spielberg. J'suis dans les quatre coins de ta chatte. La France et Navarre, j'rappe tu des MC. J'suis Kendrick Lamar. J'suis qu'un petit d'en bas, donc toutes ces petites m'adorent. Négro créa pyramide avant Pythagore. Depuis que j'suis là, les boussoles indiquent le sud. J'suis un fils fucking, t'es un fils de pute. Yeah. Si t'as une snake, t'es mon ami. Hey. Prends la suite négro, demain c'est aujourd'hui. Attention, je vais sévir, je vais te balancer un menhir. Bordel à volonté, et je compte bien me servir. Marianne va descendre sur mon pubis. Sa nuit, bisous, ça va mal finir. Plus mes cœurs. Et si le rap était du tennis, on serait la coupe Davis. Méfie-toi, les sons d'Ateyaba ne sont que les prémices. C'était hier soir, en direct sur Skyrock. Avec Joke, tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. Donc ce soir, à pas louper, Ateyaba Tour, deuxième partie. Les dates aussi, je les file ou pas les dates? Partie 2. Partie 2, c'est dès le 13 février du côté de Nantes, le 14 c'est Blindé-Aulnay, le 19 février à Reims, le 21 à Magny-le-Hongle, le 27 février à Mulhouse, 28 à Metz, le 13 mars au Plandry-sur-Rangis, le 14 mars à Vannes, le 21 à Montréal, tu seras au Canada, le 27 à Sannois. Ouais, avec mon gars iClassified, je l'ai pas précisé encore, mais c'est un beau gars moi qui a produit sur l'album Ateyaba, qui a produit le morceau Yessa Papaya. Et c'est un book de Montréal quoi. Et il sera là sur place. Donc il forcément place. Il jouera à domicile. Le 28 mars au Festival Chorus de Nanterre. Le 2 avril à Savigny de Temple. 3 à Morlaix. Le 29 au Printemps de Bourges. Le 5 mai à Lille. 30 mai à Toulouse. Et puis d'autres dates. D'autres dates qui vont arriver après. Cette tournée de Joke, t'attendais autant de dates ou pas pour cette première grosse tournée pour toi, Joke? Là c'est la première grosse tournée. Puis mais je commence à m'y faire quoi. Je commence à m'y faire. Donc ça veut dire que ça marche un peu. Ça marche bien. Ouais, le public est réceptif. Le public est réceptif, mais c'est un début quoi. Bah c'est le début, c'est normal. Ouais, c'est le début. Mais pour toi, c'est vrai que dans l'histoire. Après ça fait longtemps que je rappe parce que la dernière fois je comptais mon deuxième album là que je vais faire en termes de projet, j'ai fait Prêt pour l'argent déjà. J'ai fait Prêt pour l'argent 1.5. Kyoto. J'ai fait Kyoto, Tokyo. Tokyo. Ateyaba, DeLorean Music, ça sera le septième projet que je sors, tu vois quand même. Le deuxième album, donc ça fait un petit moment quand même que je travaille. Donc, bah, rappelle-nous un petit peu, c'est vrai que toi l'aventure a commencé du côté de Montpellier, mais rappelle un petit peu pour les gens là qui nous rejoignent, qui te découvrent aussi, mais forcément aussi qui vont te découvrir. L'aventure, le rap a débuté quand pour toi? J'ai commencé, j'étais très jeune, j'ai commencé vers 10 ans, un truc comme ça, là j'ai 25 ans, donc ça fait 15 ans quand même. Toujours avec la même équipe, ceux qui sont autour de toi, parce qu'on a pas salué, il y a Bips qui est là évidemment. Toujours avec la même équipe, mais ils sont pas là en fait. Azura qui est au platine. Bips, il est arrivé vers 14-15 piges, c'est ça hein? C'est ça, ouais. Ça fait à peu près 10 ans avec Bips, no homo. Mais ouais, ça fait un moment qu'on rappe. Ouais. Bah c'est bien, ça, vous voyez petit à petit la progression aussi, ça les salles évolue, qui se remplissent. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. tous les jeunes qui se mettent dans le rap, là, faut s'accrocher. Ouais, qu'est-ce que t'as envie de leur dire, ceux qui veulent se lancer dans le rap? Faut qu'ils soient sûrs d'eux. Mais croire aussi, parce que t'es arrivé aussi avec des projets qui sont pas forcément non plus radio, des paroles qui sont pas non plus forcément simples. Ouais, bah écoutez, en fait, le truc, c'est j'ai fait ce que j'aime, quoi. J'ai fait ce que j'aime, donc avant tout, c'est ça, tu vois. Après, je pense que si tu fais pas ce que t'aimes, tu dures pas dans tous les cas. Et donc, le prochain album, ce sera encore ce que t'aimes? Ça sera ce que j'aime. Mais c'est ce que j'aime maintenant, quoi. Donc, ça change. Bah, ça évolue. Tu peux plus être le joke de 10 ans ou 15 ans. C'est ça, exactement. Des choses qui se passent dans ta vie qui font que. Ça change. Ça change. Bon, on va débuter avec un morceau de Ateyaba, le Casino. Yes, Casino. Allez, produit Casino. Par Steel Nas. C'est parti sur Skyrock, Planète Rap spécial Joke. Il est 20h, bienvenue à vous tous. Mes gars qui sont à l'arrière, j'arrête en permis, nique les barrières. On veut s'en sortir maintenant. Hashtag Juke sur Skyrock. Peu importe la manière. Hashtag Casino. Je leur fais l'amour dans la lumière. Je vois leur chat quand je frappe ça. Je veux un trio comme 4 size. Des meufs qui se doivent quand je frappe ça. Dieu donne les sentences, mais ce que les gens pensent m'amène. Écoute la haine sur ma bouche, l'amertume sur ma bouche. Faut que je fasse les fils d'une italienne pour aider tout seul sur la route. Faut que je fasse les fils d'une italienne pour aider, mais c'est mourir par miel. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Faisait comme Robert De Niro. Nous on veut braquer le casino. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Hein? Les déroule sur le tapis vert. Le charisme frappe ton imaginaire. Branche en bois sur lunettes quartier. Je vais en compte avec les chiffres de l'annuaire. J'aime pas Tony Monga, c'est Franck Lucas. Ride à Monte Carlo. Dédicace à mon gars, Badois. Fais gagner tes copines en à peine une passe. On renfoie les petites tasses, on leur est. Badois, négro. Même si les temps changent, on garde les sentences, ma main. Écoute la haine sur ma bouche. L'amertume sur ma bouche. Les néons explosent dans tes iris. J'ai juste les poils de chatte de ces féministes. Tu sais que l'ancien dernier de la classe peut avoir une paye de premier ministre. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Faisait comme Robert De Niro. Nous on veut braquer le casino. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Hashtag Joke sur Skyrock. @ Joke MTP sur Twitter. Hein, quand les décolletés se montrent, je me pose plus de questions. Je vois tes hanches, l'imagination de Luc Besson. Me fais des films, baby. Je te le dis sans pression. Ramène tes copines, ramène ta soeur. J'ai tous vos messages. Hashtag Joke sur Skyrock. Je te drive comme Tom Tom. On cruise comme Tom. On cruise comme Compton. On gagne du temps, juste amène-moi où tu habites, baby. Voir la vie en rose, la vie monochromatique, baby. Faut que je fasse toute cette maille. Faut que je fasse toute cette maille, faut que je fasse toute cette maille, faut que je fasse toute cette maille, maille, maille. Ah. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Faisait comme Robert De Niro. Nous on veut braquer le casino. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. La meilleure fanbase, nigga. Nous on veut braquer le casino. Non. Je voulais que tous ces connards sachent que les temps avaient changé. On devait faire un exemple pour qu'ils comprennent que c'était fini de rigoler. C'était fini de rigoler. C'était fini de rigoler. 2015, on rigole plus, mon négro. Aïe aïe aïe. Steel Nas à la prod. Vendredi, je suis à Nantes. Samedi, à Aulnay. Yeah. Joke avec Casino, c'est extrait de l'album, évidemment, toujours sur l'album Ateyaba, l'album de Joke. Qu'on peut aussi découvrir, hein, ce soir, ceux qui l'ont pas encore, vous allez pouvoir le découvrir, on mettra d'autres morceaux. Et il y a le pack Casino. À gagner. Ça, c'est tous les soirs. Tous les soirs avec le vinyle. L'album, évidemment, la casquette Ateyaba. La casquette Ateyaba, le poster dédicacé. Place de concert. Et 50 euros de bon d'achat aussi, 50 euros de bon d'achat. 50 euros de bon d'achat. T'as vu que j'étais. Je voulais vite passer sur l'histoire d'Azura, mais. Non, mais on va. Il y a beaucoup de choses, c'est vrai. Donc, Azura qui est ton DJ, qui essaye depuis le début de semaine de se glisser dans ce pack Casino. Et pour l'instant, ça ne paye pas, puisqu'en gros, il y a aussi une soirée avec Azura, mais qui sait. En fait, il y a un paramètre qui est un peu gênant, c'est cette histoire d'âge. Donc, aujourd'hui, exceptionnellement, jeunes filles de tout âge sont conviées à passer une soirée avec Azura. Twitter Azura @Azura. Azura, il a l'air tellement dépité à chaque fois qu'on parle de lui. Genre, oubliez-moi, les gars. Oubliez-moi, passez à autre chose, en fait. Fais un gros plan sur lui. Ouais, pour ceux qui matent sur l'appli, hein, sur le Skyrock FM, ou allez faire un tour pour voir et découvrir aussi à quoi ressemble Azura. Enlève ta veste un peu, donne envie, Azura. Montre un peu les. Il est chaud comme ça, déjà. Bon, quelle est la question ce soir pour repartir avec le pack Casino, Joe? Alors, bonne question. Viens, on pose la question plus tard, non? Dans 2 minutes. D'accord, tu as le temps de réfléchir. Il faudra envoyer un message si vous avez la bonne réponse avec le 41759. En laissant votre prénom, numéro de téléphone et donc l'âge. C'est ça. Mais non, mais l'âge, on s'en fout maintenant. Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Aujourd'hui, c'est jeune. Ouais. Tant que c'est jeune, c'est bon. Non. Aujourd'hui, c'est tout âge. Ah, c'est tout âge? Ouais, d'accord, ouais. Ok. De 7 à 77 ans. Ah, carrément? Ah, non. Doucement, frère. Tranquille. 18, 19 piges, tranquille. Jusqu'à 77, ça, on peut y aller dans ce sens-là, ça va. La question, donc, dans un instant, pour repartir avec le pack Casino. Un petit morceau, alors, peut-être, histoire de réfléchir à la question. 2014 à l'infini. Alors, ouais, ce morceau, explique-nous ce morceau, 2014 à l'infini. Que t'as voulu clipper d'ailleurs, puisque tu l'as clippé aujourd'hui. J'ai clippé aujourd'hui, c'est produit par Richie. En fait, c'est un sample de. Je crois que c'est Cool and the Gang. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est un sample que j'ai kiffé, quoi. Oumar, il a l'air dubitatif. Non, ça va, je suis cool. c'est un sample que j'ai kiffé. Je suis allé voir Richie pour essayer de faire un truc dessus. Il a commencé à taper le beat, tout ça, sur le sample, et j'ai écrit direct. J'ai enregistré dans la foulée, en fait. Et pourquoi l'avoir clippé aujourd'hui, ce morceau? Parce que c'est un morceau que j'aime, quoi. C'est un morceau que j'aime, et puis ça. On a fait un truc ambiance parisienne, un peu, tu vois. On a bien montré Paris. Tu vois le Paris que les Américains montrent quand ils viennent? C'est un peu ce Paris-là qu'on a. Donc il y a de la Tour Eiffel? Il y a de la Tour Eiffel, il y a de l'avenue Montaigne, tout ce genre de choses. Il n'y a pas du Château Rouge. Il n'y a pas trop de Château Rouge. On l'a fait dans Django déjà. Donc je trouve que ça allait bien avec cette ambiance parisienne. Donc le clip arrive en semaine pro, dans une dizaine de jours. Très bien. 2014 à l'infini, déjà on a le son, on l'écoute maintenant sur Skyrock. On peut le retrouver où ce morceau, Joke? C'est sur jokemtp.com en téléchargement gratuit. Déjà entêté, hein. Tu vas jouer de rouge. Hashtag Joke sur Skyrock. Holy shit, nique leur politique. J't'ai rentré que de mesure, tu penses déjà au repeat, man. Holy shit, le nègre est prolifique. La mal est ramollie, les petites mettent de l'amour dans mon système. Résidus de cocaine sur le pot de pêche, gris. J'pense à mes âmes perdues, que Dieu les protège. Holy shit, les dieux sont illicites. Tu comptais pas donner ton cul, fallait pas venir ici. Tu pensais t'être débarrassé de moi, mon négro? Non. Réserve des pages dans ton agenda, mon négro? Non. On peut qu'en vouloir à l'humanité. J'ai de plus belles images que ces bâtards en arabe. Tête dans la cuvette. Famas pour t'allumer, pas d'allumer. Femme à lunettes, femme à kikette. Bourre au cognac, mes négros chantent à tu tête. Je vais quitter le champ sur ces bâtards du net. Je mouille les fliquettes, y'a du champagne qui pète. Je fan de son bœuf, j'ai le bras long, une bêtasse qui a les jambes à carambeux. Talentueux, parlons cash, parlons peu, on vient, on cache. Qui parle contre eux, on parle contre eux. Hustler comme un marchand de bœuf. J'ai besoin d'un kick, une caisse claire, une carabine. Winchester, abracadabra. Dédicace à BH, la barre de sa mine. L'homme descend du singe, descend des hommes. Mon des blancs de bâtard, pour que son frère évolue dans le désordre. Le blanc est marécage, j'aime même pas les gens qui m'aiment. Tu crois que je pense quoi des rageux? On dédicace a grandi dans des cages, dans l'esprit noir et vase. Je suis incompris comme mes métaphores. Mon âme se condense en flot lorsque toutes mes pensées s'évaporent. Les blancs s'élaborent, c'est bon, cul, putain la vie. Tu risques de tromper la mort. Nique leur mère, va prendre ton liquide à tribord et babord. Toute la journée, paye ta chatte, paye ma tournée. Je fais des méga sales, du méga sale. Longtemps sur règlement dans la foulée. Le temps qu'il m'a donné, Golo, Loré, Togo, Lomé, Ousso, Rodé. Oui, tu me connais, nique leur radio. La suite des événements va corroborer. Cheer, cheer, nigga. Produit par mon gars Richie Beats. LMGEMG 2014 à l'infini, c'est un morceau gratos hein, qu'on peut avoir. Morceau gratuit en téléchargement sur jokemtp.com, extrait de DeLorean Music. Et donc les images qui arrivent, petite visite dans Paname. Petite visite dans Paname, les beaux quartiers. Les beaux quartiers. Quelque chose que tu voyais loin aussi à l'époque quand t'étais à Montpellier toi ou... Non je voyais pas ce Paris là quand j'étais petit. C'est vrai? Ouais non c'était plus, je voyais plus la banlieue en fait. Mmh. Je m'intéressais pas trop à ce Paris là donc après j'ai vécu sur Paris aussi et j'ai pas vu ce Paris là non plus. Donc ouais non c'est maintenant que je profite de Paris, des belles choses de Paris. Bon bah très bien, on attend les images d'ici une semaine de 2014 à l'infini. C'est ça. Est-ce que tu as le temps de réfléchir? Est-ce que tu as le temps de réfléchir à la question pour repartir avec le pack casino? Ouais. Donc la question c'est où est-ce que j'ai tourné mon clip à Rajuku? C'est simple. C'est simple. A priori. Qu'est-ce qu'on fait? On demande le pays? Ouais le pays. Le pays. C'est plus facile. Ouais. Allez-y, bombardez 41-759, 41-759. Où a été tourné ce clip? On peut dire que c'est un endroit où tu rêvais d'aller. Hein. Je rêvais d'y aller, ouais. Et la musique t'a permis d'y aller. C'est ça. Tu es revenu avec plein d'images en tête, avec plein de... Et pas que des... Et deux beaux clips. Et deux beaux clips aussi. Donc balancez, allez-y, c'est parti pour les bonnes réponses. 41-759, avec votre prénom, numéro de téléphone aussi pour vous rappeler. Ce sera dans un instant pour découvrir la bonne réponse. On va revenir dans quelques minutes, Joke. On va rappeler les dates aussi, puisque c'est la tournée de Joke, à pas louper. Tournée. Et tour partie 2. Tu veux les balancer ou... Je te laisse le faire, t'es très fort pour faire c'est ça. Ouais, c'est sympa. Donc ce week-end, là, enfin dès vendredi, tu es du côté de Nantes le 13 février. 14 février, Aulnay, c'est blindé, hein, Aulnay. C'est ça. 19 février à Reims, le 21 à Magny-le-Hongle, le 27 à Mulhouse, le 28 à Metz, le 13 mars à Ris-Orangis, 14 mars à Vannes, le 21 à Montréal, le 27 mars à Sannois, le 28 à Nanterre. Ensuite, 2 avril, c'est du côté de Savigny-le-Temple, le 3 à Morlaix, le 29 au Printemps de Bourges, le 5 mai à Lille et le 30 mai à Toulouse. En attendant d'autres dates. Tu joues pas à Montpellier, tiens d'ailleurs? Bah, j'ai fait ça sur la première partie de la tournée. Au Rockstore, c'était complet, c'était une dinguerie. Voilà, pour tous les gens de Montpellier qui veulent te revoir du côté de Montpellier. T'y es encore souvent ou t'es bah, j'habite là-bas encore. T'es toujours là-bas? Ouais. J'habite sur Montpellier. Je viens rarement sur Paris, même en ce moment. Je vais devoir remonter un peu pour l'album, mais j'essaie de me ressourcer un peu, quoi. Et puis là, en attendant, tu te balades un petit peu partout. C'est ça, toute la France et même Canada, tout ça. D'ailleurs, je suis content de partir au Canada. Hein. Ça fait un moment qu'on devait ça, aller. Tu vas découvrir. Ouais, je vais découvrir. Et puis, en fait ça fait longtemps que je reçois des messages de là-bas. Comme quoi, j'ai du public quoi là-bas et j'attendais vraiment d'y aller. Ça fait au moins 2-3 ans, tu vois. Que... Bon, bah ça approche. Pour tous les Canadiens, le rendez-vous, ce sera du côté de Montréal le 21 mars prochain. Bougez pas, on va revenir dans un instant. C'est Joke, notre invité. Le live, t'as réfléchi au morceau ou... On verra. On est au calme. Bougez pas, c'est juste après ça le retour de Joke sur Skyrock. Hey. Ladies and gentlemen. Planet Rap. T'es prêt ou quoi? Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir avec Joke sur Skyrock. C'est Joke, notre invité toute la semaine entre 20h et 21h sur Skyrock. Joke avec la tournée, on refilera les dates avant la fin, avant 21h avec du live qui se prépare. Et la réponse à la question que tu as posée il y a quelques minutes, Joke, pour repartir avec le pack casino. Je rappelle que le pack casino, beau cadeau hein, tous les soirs. Album, vinyle collector, la casquette à Teyaba, le poster dédicacé, place de concert, 50 euros en bon d'achat et peut-être... La nuit avec, la nuit avec Azura. On n'a pas vu de gars, on n'a pas vu de gars depuis le début de la semaine là. Ah, parce que tu veux refiler un gars à Azura? Non. Si on peut, hein. Tranquille. Si on peut, hein. Ça, c'est pour Bips, les gars. Parce que là, je suis avec Maddy. C'est ça, c'est Maddy. Oh, il est pas là, il peut pas répondre. Maddy de Villeneuve-Saint-Georges. Ça va bien, Maddy? Ça va, merci. C'est Maddy? Madly. Comment ça va, Madly? Ça va bien, merci. Et vous? Bah écoute, on est bien là, non? On est au col. Okay. Le Planet Trap de Joke, toi, est-ce que tu as la bonne réponse? Rappelle la question de Joke, s'il te plaît. Donc, où j'ai tourné mon clip Harajuku? Alors, c'est au Japon. Au Japon, ok. Bah voilà, c'est fait. Bonne réponse. Madly, quel âge as-tu? 24 ans. Bah, ça, c'est chaud, ça. T'es doux? Encore, c'est chaud. Non, c'est bien, c'est chaud. Est-ce que bien. Tu veux la totale? Est-ce que tu veux le pack casino total? Intégral. Mais bien sûr. Ah bah, voilà, bah, on y est arrivé. Troisième soirée, on y ça, arrive. C'est propre, ça. Mais t'habites où? À Villeneuve-Saint-Georges. Villeneuve-Saint-Georges, c'est en région parisienne. Ouais, 94. Ok, bah, il vient du 94 aussi. Azura, t'es où? Bah, il s'est planqué sous la table. C'est un négro de Vincennes. Et okay, bah, écoute, peut-être qu'il pourra même la chercher avant le concert, l'emmener directement. Madly, on te connecte avec Azura. Et donc tu iras assister évidemment au concert de Joke avec l'album, le vinyle, la casquette à Yaba, 50€ en bon d'achat et les places de concert évidemment. Très bien, bah merci. De rien, on te fait des bisous Madly. Bisous à vous. T'as un petit message, un petit truc à dire? Bah oui, je voudrais dire à Joke que ma petite sœur c'est une super fan et que voilà, que c'est grâce à elle que je connais Joke et que voilà. Bah alors, est-ce que ça te plaît alors? Passe le bonjour. Ok, ça marche. Est-ce que tu es contente d'avoir découvert Joke justement, Madly? Ah ouais, mais je kiffe. Ok, bah bon concert alors avec la frangine, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Je te fais des bisous, ciao. Passe une bonne soirée sur Skyrock. On va balancer le morceau tout de suite, non, Joke? On envoie Rajuku, produit par Blastar. Allez, c'est parti, puis après on parle avec un des compositeurs de l'album, notamment du morceau Casino. C'est ça. Que tu nous présentes juste après. Shout out à Blastar. LMG, EMG, cheer. MTP. Joe Keezy. Tokyo. Right. Sur Paris comme Mona Lisa. Black et Honard de Vinci, tout au fond d'une Jap mais pas dans une Nissan. Serre pas la main aux insignes, à moitié satisfait comme des demi-dieux. La fumée pour changer d'air, je taffe mes nœuds depuis 2002. Sur la chatte après verre, ver. On débarque, on tire, on sort les katanas. On en a l'eau comme les femmes, on a la soie. Seconde personne du pleurel, tu parles à Wam. Je fly comme Apollo, t'es fly comme Balavoine. Plus de cristal que Walter White dans sa caravane. Kero, on a mouru shot comme à la Havane. Négro tellement, on passe pas à la douane. Arrive à Tokyo, je suis à Teyabasan. Clairage, je passe le 17. Que les vieux se battent en retrait. Mais on a qu'un sur la terre. C'est le fils de ma mère. Les rageux passent le 18. J'vois mes rimes en acrylique. Y'en a qu'un sur la terre. Si tu vois sur ma mère, ça fait bang bang. Le bang bang bang bang bang. Mes négros font bang bang. Le bang bang bang bang bang. Tous mes gars font bang bang. Le bang bang bang bang bang. Mes négros font bang bang. Le bang bang bang bang bang. Yeah. Sur Tokyo, je suis à Shibuya. Je ride les meufs à Rajuku. Négro dans la stratosphère après Nouya. Sonne perche, je suis dans ma soucoupe. 23, puis je suis proche de ma Rolex. D'un cerveau sous scanner. Les langues de pute s'étouffent, avalent nos sexes. Je les aime pas de toute manière. Bibi, jeu de pharaon dans le détecteur. Drague la petite sœur de l'inspecteur. Tire dans le cœur, puis dans le pacemaker. Les flammes du brasier caressent et pleurent. Avec foi sans loi comme voleur d'organes. Je saute les meufs comme Michael Jordan. Mon histoire est lancée, j'suis dans tes pensées. 7 heures d'avance, toujours dans les tentes. Les rageux passent le 17. Que les vieux se battent en retrait. Y'en a qu'un sur la terre. C'est le fils de ma mère. Les rageux passent le 18. J'vois mes rimes en acrylique. Y'en a qu'un sur la terre. Si tu vois sur ma mère, ça fait bang bang. Le bang bang bang bang bang. Mes négros font bang bang. Le bang bang bang bang. Mes gars font bang bang, the bang the bang bang bang. Mes négros font bang bang, the bang the bang bang bang. Yeah. À la fin, je suis à MTP. Ok, on envoie un nouveau shit ou quoi? Après? Yeah, les messieurs négro, GMG, Tokyo, 2013, bang négro. C'est Joke, notre invité toute la semaine à Rajuku à l'instant sur Skyrock. C'est extrait du projet d'ailleurs que tu Tokyo que tu avais tourné au Japon. C'est ça, j'ai tourné le clip au Japon. Dans le projet Tokyo, il y a des morceaux comme Django, il y a Louis XIV, il y a PLM. Il y a beaucoup de morceaux qu'on peut retrouver pendant la tournée. Et le clip, c'était où alors? Le clip au Japon, il avait été tourné où? À Tokyo. Tokyo même? Ouais, les deux clips ont été tournés à Tokyo. Mmh. On a fait différents quartiers, mais. Ça, c'était un endroit que tu voulais découvrir, le Japon. Hein. Ouais, de fou. Ça faisait partie des. Ouais, de fou. Mais même, j'ai envie d'y retourner parce que quand on est parti, on est resté genre une semaine. Et j'ai pas vraiment eu le temps d'apprécier parce qu'on tournait tous les jours, tu vois. Donc... Comment t'as ressenti justement la culture là-bas, la culture japonaise? C'est vraiment spécial, hein. C'est vraiment autre chose. Après, la France est spéciale aussi, tu vois. La France, c'est un pays de. On est très. Comment dire? On n'aime pas respecter les règles. Mmh. Les Français, c'est. On aime bien gueuler. Ouais, c'est un pays. On est un peu. Je sais pas comment dire. C'est vrai que là-bas, c'est. Là-bas, c'est super droit. Ouais. Mais même, tu vois, même aux States, tout ça, c'est un peu la même chose. Les gens, ils respectent les trucs, tu vois. En France, c'est. Je me rappelle la première fois que je suis parti à New York, j'ai vu un écran géant, tu vois. Et je me disais, mais. Tu vois, un écran géant. Avant, il n'y en avait pas en France. Qui faisait de la vidéo, tout ça, je me disais, si ça arrivait en France, dans l'heure, c'est pété, ça, tu vois. Mais après, maintenant, les gens sont calmés, ils ont l'habitude de voir des écrans, tout ça, mais à l'époque, c'était. Je me disais, mais c'est impossible en France, les gens ne respectent rien. Donc, ce qui m'a marqué. Ce qui est différent d'ailleurs du Japon, pour le coup. C'est ça, ouais, au Japon. Là, mais carrément, si tu peux prendre une amende en traversant la rue, quoi. Si ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Tu peux pas cracher par terre, tu peux rien faire. Et les gens? Ils sont quand même abordables. Les gens, ils sont cool, hein. Les gens sympas. Ouais, ils sont cool de fou. Ils sont cool de fou. Après, ça se voit qu'ils sont. Par exemple, il y a une petite anecdote. Pendant le clip à Rajuku, on avait besoin de piles. Et je crois que c'est Bips qui est parti chercher les piles ou je sais plus, tu vois. Ah ouais, il confirme. Et sans faire exprès, il les a mis dans sa poche, tu vois. Il est sorti du truc, tu vois. Il a oublié. Et il était avec une japonaise. Et la japonaise, elle a pété les plombs, limite crise d'hystérie parce qu'il est sorti avec le truc. Il pensait qu'il avait volé tout ça. Elle croyait qu'il allait avoir les cubes, qu'elle allait venir pour des piles. C'est quoi cette histoire de piles? Un voleur de piles. Le mec vole des piles au Japon, quoi. Pays de la technologie en même temps. C'est Japon. Ça, les Congolais. Bon, ça va, heureusement que tu t'es pas tapé la police japonaise. Ah ouais. Ça va être sérieux, les flics japonais là-bas. Je sais pas s'ils sont dangereux, mais ils ont pas l'air sympas, quoi. Bon, présente-nous celui qui s'est installé à tes côtés, Joke. Donc, à ma gauche, il y a Stillnass. Yep. Still Nas qui a produit le morceau Casino sur Atayaba. C'est la première fois que je le rencontre. Ouais. Ah oui, c'était pas croisé. Non, c'était pas croisé. C'est la première fois, ouais. C'était pas croisé. Alors comment il a débarqué justement sur l'album? Ben en fait c'est via Kassim de la famille Haussmann que je connais depuis un petit moment et qui m'a dit qu'il avait une équipe de producteurs donc il devait m'envoyer des prods. Il m'a envoyé un paquet et j'ai kiffé sur ce morceau là quoi. Même sur un autre morceau mais il était pris donc. J'ai pas pu le prendre. Mais. Il est reparti. Je sais pas. En tout cas, il est sorti le morceau. C'est pris, pas encore. Ok. Ouais. C'était reparti. Ça a été pris par Pessoa. D'accord. Un rappeur. Ah ouais, donc bloqué. Ouais. Bloqué. Bah, bienvenue. Merci bien. Ça va, donc première rencontre, ça va, ouais. t'as l'image, ah ouais, cool. L'image que tu avais de Joe qui ouais, est la même. Bah ouais, pas de bon, vous avez parlé en même temps, je suppose aussi. Non, même pas. Même pas, je parlais avec Kassim surtout. C'était plus pour Kassim. Donc alors un moment qu'on dit tu vas bosser peut-être sur Joke, à quoi tu penses toi forcément comme genre de sonorité? Il y a... Bah en fait c'était je me suis dit, enfin moi comment j'essaie de travailler, j'essaie de présenter des prods sur lesquels on voit pas justement ce genre d'artiste là dessus en fait. Genre Joke on l'attend pas forcément sur du Casino ou on l'attendait plus sur de la trap par exemple. Mmh. Donc, je me suis dit je vais prendre un contre-pied tu vois. Donc j'ai envoyé une palette dont dans la palette il y avait Casino. Et voilà, donc il se trouve qu'il a kiffé. Et toi t'as bloqué directement. Moi j'ai bloqué hormis l'autre morceau qui est bloqué, mais ouais, j'ai bloqué parce que j'ai eu directement un genre de yaourt qui m'est venu en tête et que j'ai enregistré et ça m'a, j'avais une mélodie quoi. Donc et puis aussi l'ambiance, cette ambiance c'est un peu 80s, tout ça, un peu Miami de nuit, tout ça, tu vois, c'est un truc qu'on avait. Ouais, c'était, de toute façon, c'est ce que je voulais faire, en fait. Okay. Toi, t'as bossé pour qui déjà, alors, Steve? J'ai bossé beaucoup avec le collectif Square, j'ai bossé avec des artistes, parce que moi, je suis originaire des Comores, mais j'ai beaucoup vécu au Sénégal. Donc, j'ai beaucoup bossé avec la scène hip-hop au Sénégal. Mm-hmm. J'ai bossé avec le collectif Square, Eddie Hyde, des rappeurs Pompe Funèbre aussi. Et on va dire que Joke, c'est la première, enfin c'est le premier gros truc qui se passe. En fait. Et là, il y a d'autres choses qui arrivent. Ah, bien sûr. Beaucoup. Bien sûr. Il y a un EP, l'EP du label déjà, enfin du collectif, parce que tu fais partie d'un collectif qui s'appelle Rise and Shine Music de beatmaker. On prépare notre EP. Et bon, il y aura sûrement le prochain album de Joke et la suite, bien sûr. Bon, t'es content? Ah oui, très content. Il a honoré le morceau. Bien sûr. Non, il a honoré ton son. Ouais. Le morceau s'appelle Casino. Il y a donc Steel Nas qui est là aussi avec nous. Si vous voulez des prods, tiens, d'ailleurs, c'est le moment où jamais de les dealer. N'hésitez pas à envoyer un message. Toi, on peut te suivre? Bien sûr, on sur Twitter, Steel Nas-RAS. Sur Instagram, Steel Nas, STILNAS. Sur Facebook, Rise and Shine Music. Sur Snapchat, Steel Nas-RAS. Je suis partout. Donc, Steel Nas, vous cliquez, vous le trouvez. Voilà. Okay. Si vous avez besoin de prod, ou alors vous les demandez ce soir par le hashtag Joke sur Skyrock. Et là on accueille, c'est Rimatak de Villeneuve sur l'autre. Salut Rimatak. Salut. Ça va bien Rimatak? Bah ça va tranquille, toi Fred? Et bah écoute, en pleine forme. Bien Joke? Bien, au calme. Au calme, tranquille. T'es prêt ou quoi? Est-ce que tu es prêt à nous lâcher le freestyle? Un peu ouais. Et allez, bah, c'est bon, je suis chaud. C'est parti mon pote, si t'es chaud. Allez. Oh. Ok. Rimatak. Je. Oh. Ok. Go. Écoute le bruit de mon silence, j'ai les mêmes peines de ciment. Décidément je courais au rap comme un aimant. J'écris des lignes, solitaire dans mon délire. Ma haine je la délivre et mon art est un délit. 16 mesures de haine, je veux que la flamme s'éteigne. Le rap en oxygène, de l'encre coule dans mes veines. Je parque sur le beat avec la rage d'un beat. La haine dans mes titres, observe comment je beat. Un pic, une feuille, un peu d'inspi. La zik, la seule femme de ma vie. Appel à tous les MC, rapper n'est pas une mode. Le hip-hop, pas ses règles, le hip-hop, pas ses codes. Colle ta tête aux enceintes, savoure le son. Dans ta vague, entre potes ou même en zone. Mes phrases laisseront des traces indélébiles. Si le savoir est une arme, j'ai la gâchette facile. Armé d'un mic, je me suis promis de rester le même. Dans ma jungle de béton, c'est des rimes que je sème. Protégé par mes valeurs, j'ai créé un dégain. Le savoir est une arme, je laisse parler des graines. Je dégueule toute ma rage sur une feuille de papier. Une explosion de punchline, tu artificier. Cet art te fait chier, ferme ta gueule, écoute pas. Je m'en fous de la concurrence, j'en ai fait mon repas. Que tu sois mon repas, face à mon rap, tu restes immobile. Le savoir est une arme, j'ai pas de mobile. Invincible, comme mon marché intouchable, en direct de ma lance. Je suis inarrêtable, je veux pas faire de gâterie, je veux pas faire de cadeaux. Frein comme un daron, pourtant je suis qu'un ado. Je termine ce couplet, j'embrasse la concurrence. En 2015, je vais tout niquer, est-ce que t'en as conscience? Brah. Brah. Rimatak à l'instant. Pas mal. Voilà. Merci à toi Rimatak. On peut suivre. C'est dédicace ou quoi? Bah ouais, et puis on peut suivre où sur le net, c'est le moment où j'allais. Ah hein. Sur YouTube c'est Rimatak, RYMATAK. Et après Facebook, tout ça c'est Rimatak officiel. Et voilà, c'est toujours la même chose. Instagram, tout ça c'est pareil. Eh bah terrible, on suivra ça et les dédicaces, vas-y on t'écoute. Voilà, dédicaces, bon déjà une grosse dédicace à ma mère, voilà, bon, ça c'est quelque chose de normal. Une grosse dédicace à toute ma classe, ce sera Blavante, une dédicace à mon quartier, Sarrête City, une grosse dédicace à mon étoile, elle se reconnaîtra. Voilà. Eh bah terrible, merci à toi Rimatak. Allez les gars, ciao. Ciao, passe une bonne soirée. Dans un instant, il y a du live qui se prépare. Et juste avant, on met un morceau, Joe. On envoie Amidala, on a eu beaucoup de demandes, on a passé lundi déjà, mais on renvoie la sauce. Allez, c'est parti. Prod par mon gars, Aga. Lek Nifreg, X, Aga. Aga, Aga, Aga, Aga, Aga, Aga. Hashtag Joke sur Skyrock, en TT. Yeah, Aga, aïe aïe aïe, Aga, Aga, aïe aïe aïe, Aga, Aga, Aga, Aga. Le prince m'a genou à Midala. Je rentre dans ton libolo à Lingala. La vie c'est une pute négro, puis moi là. Puis moi là, puis moi là, puis moi là. Dans ma tête, y'a des gens qui se baladent. Elle est en sachet, elle est inhalable. Nous, on vend la trace qui te fige la face. On te fume à la chasse, on te pique ta place. File la maille avant que ta famille ramasse. Qui guérit comme elle, comme on te yamasse. Je sors mon poireau, Lady Dallas. Je tape son gros cul comme une piñata. J'ai plus de mojo que Frank Sinatra. Tu vends pas ton skud, mais mon prix d'achat. J'arrive dans ta gueule comme un petit crachat. T'en vas te faire sucer par un piranha. Des affiches partout, on m'acquipe un ami. Casse à tout, casse à la vie, c'est le mythe. Assassin, j'assassine, bout dans la bassine. Et remplis la balle, rien n'est gagné, classé ni classa. Bisous dans le cou, Nathalie Baye. J'ai fait un câlin à l'animal. Que des sales joints dans le calepin. Je rentre beaucoup, je déclare rien sur les nerfs. Aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga. Aux yeux de CNN, j'suis comme Tesla. Où tu comptes aller avec ces fesses là? J'suis déjà passé là où tu seras. Si tu la suces pas, sache qu'une autre bitch la sucera. Horlogerie suisse à mon poignet. Bulcra à mes heures. Vaut mieux être bien calibré que mal accompagné. Quand tu m'aperçois, garde la bouche fermée, nigga. Internet va tous nous faire interner, nigga. Passe-moi ta biche, passe-moi ton blé, nigga. J'ai les couilles vides des femmes comblées, nigga. Prête à l'allégeance quand je rentre dans ta contrée, nigga. Toute sous le nez, je suis genouné, nigga. Fossé sous porte mais nigga. Gros gamos pour doubler, nigga. Osiris dans orifice auditif. Intouchable comme une séropositive. Je pisse sur vos lois, sur votre politique. Tant que j'ai toutes mes facultés cognitives. Mes ancêtres disent que l'espace est liquide. Ta descendance dit que mon organe est rigide. Ma reine, je l'attrape, je la coupe en deux. Même si elle est une et indivisible, négro. Aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga. Amidala à l'instant sur Skyrock avec Joke, notre invité toute la semaine entre 20 et 21. Qu'est-ce qui se passe, Joke? Je vois une grande discussion avec, avec Oumar qu'on peut saluer qui est là aussi avec nous. Ça va, Oumar? Ça va, mon pote. Il y a PSG qui joue tout à l'heure? Ouais. Face à Nantes? PSG qui gagne tout à l'heure. Ça, tout à l'heure, tu. On toi, joue tu, plus, nous, on gagne. Tu iras à Nantes, donc tu vas pas te froisser avec les Nantais, Joke? J'ai pas te demandé le pronostic. Franchement, je sais même pas ce qui se passe, moi, au niveau du foot. Je te cache pas. Ouais, toi, t'es pas foot, hein? Non, j'aime bien jouer à FIFA, mais c'est tout après. Ouais, juste. Pas. Après, ce qui se passe en L1, en Coupe de France, en l'occurrence, pour ce soir? Pas du tout, quoi. Pas du tout, rien. Nada, quoi. Nada. On va aller botter. Oumar, petit pronostic, toi, tu vas pas à Nantes le 13? Hein? Si, tu seras. Mais je l'aurais dit quand même qu'on va aller botter. Ça change pas grand chose. Combien? Je sais pas, 4-0. Oh, pff, oui. Ah oui. Une spéciale pour mon gars, hey. Rémi Gomis, qui joue à Nantes d'ailleurs ce soir. Bah, il va être content. Oh. Il va être super content, ton gars. Bon, est-ce qu'on attaque le live maintenant, Joke? On attaque le live. On part sur quoi? Bye. Triomphe. Quoi? On part sur Triomphe. Ah bon? Triomphe. Ah ouais? Ouais. Voilà. Ouais, bon, mon frère. Allez, Triomphe. On va maintenant faire un retour en arrière. Triomphe, ça date de 2000 combien ça? 2012. Voilà. Mais je l'avais enregistré en 2011. C'est ça. Été 2011. Et puis on va en profiter aussi pour saluer toute la team de Joke qui fait bombarder avec le hashtag Joke sur Skyrock. Encore en TT 3ème, hein, c'est ça, Momo, si je dis pas de conneries? Yes. Et bah terrible. C'est chaud. On y va? Yep, on y va. C'est parti. Dédicace à Woodstar. Hey! Right. 1. Pépépé, j'ai irakien. Tac à la gorge avec la paire de patins qui va bien. Qui vivra, verra chez moi, tu verras tout, tu diras rien. Certains veulent me voir de près parce qu'ils savent que je suis le petit qui ira loin. Et hey. Quoi? L'âme gilet dans les chaussettes. Négro, si je te taille direct, t'as des possèdes. Mon son est carré comme s'il avait des épaulettes. Spark des whitey, m'ont bat les couilles d'aller chez Colette. J'ai eu mon bras, qu'est-ce que c'est, genre hein. Batman, c'est là. Les MC pètent les plombs, genre il est pas bien celui-là. Magicien, hocus pocus, j'suis pas à 20 syllabes. J'fais des rimes richissimes, des rimes à 4-5 syllabes. Miracle, j'sors mon Joker. J'sors mon Batman killer. J'suis trop chaud, négro, l'air n'est même pas respirable. Million dollars, baby, oh, j'suis même pas estimable. Gros, si j't'attaque, j'détruis ta carrière. J'ai pris ma part très tard chez ta cassière. Tu dans cette tasse, même ce qu'il y a dans les cafetières. J'essaie averti, mais les négros ne veulent pas se taire. Veulent pas fermer l'heure, bouge donc on va fermer l'heure. Le game fait, le game fait, le game fait ram bam bam bam bam bam. Le game fait, le game fait, le game fait ram bam bam bam bam. 1 kilo brown, job, Nino Brown. Nino, merde. Nino mon frère, c'est normal. C'est trop vieux pour moi frère. Eh non, stop moi ça s'il te plaît négro. Vas-y, on va envoyer un autre shit. Non mais Joe, qu'est-ce qui se passe là? Eh, c'était trop ancien, frère. Qu'est-ce qui se passe? C'était trop ancien. En fait, sur le live, pendant la tournée, ce morceau-là, on fait que le premier couplet. Donc j'ai oublié le deuxième. Donc on va enchaîner avec un autre shit. Allez, c'est parti. Non, on est sur les nerfs, mon frère. Direct? Ah ouais, là, il est énervé, il est énervé. Ça l'a énervé, ça l'a énervé de pas. Ça m'a fâché, frère. Ça t'a fâché, ouais. Je précise qu'il y a un voleur de piles ici. Hashtag joke sur Skyrock. Pas à Tokyo. Y'a pas de homo. Right. Leader. On demande le respect à personne. MTP connaît la méthode. On peut la coucher pour un petit sub. Te coucher pour une grosse sub. Ma technique arrive du degré. Armé, prêt à partir en reggae. Aveuglé par les chiffres en 2D. Gravé sur les billets en revêt. C'est plus que du peur, tu le sais, tu l'admets. Des ennemis, on n'aura jamais assez. Je vais pas me faire chier tout seul au sommet. Donc je prends mon temps pour les effacer. Elles aiment le pognon, elles aiment la vitesse. Je gaspille qu'un texto, bon j'ai envie de sec. Viens me voir si t'as la migraine. Je vais faire semblant de planter la petite graine. On est sur les nerfs. Icaz, on est sur les nerfs. On est sur les nerfs. Sky, ok, ok. Ramène ta biche, j'apprends un sandwich avec le négro qui partage ma tête. Man, elle vient pas de Colombie, mais cette blanche me massacre la tête. Man, elle me reçoit 7 sur 7. J'sors ma hug, j'ai mes têtes sur tête. J'ai une liasse verte, j'ai une ceinture verte. J'ai une ceinture noire, alléluia. La concurrence fait engloutir par des trous noirs. J'suis dans un club pas échangiste, on taille des pubs dans les fumoirs. Vois des cougars dans les couloirs, tous mes négros sont allumés. T'as pas cette merde, n'est pas du nez. Le loup-garou est mal luné. On est sur les nerfs, yeah. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. Paris sur les nerfs. MTP sur les nerfs. Yeah. Dédicace à mon gars Icaz. Hashtag joke sur Skyrock. Entêté, on les pèse mon frère. Yeah, yeah. Dédicace à Team Beef, Team Joke Easy. MTP dans le building, motherfucker. Yeah. Explique-leur Jockey. Personne ne peut venir contrer toute cette énergie. Le mojo écaille ton vernis, hein. J'ai pas des idées bien placées. Même pas plus du passé, je les ai dépassées. Baisse matelassée, fracassée. Perdre Margiela, pas de lacet. Dans le carré, je regardais ta sabat passer. Viens pas me faire la bise si t'es pas rasé, bitch. Le game se fait euthanasier. Ces petites prendre à chair, c'est touche à cette dick. Je top dans ma loge, et dans les loges maçonniques. Viens, on quitte cette boîte. Viens, on quitte cette boîte. Si ta pote en cornet. Chérie, je vais m'occuper de cette chatte. Comme Farid de la Marlette. Quoi? On est sur les nerfs. Quoi? On est sur les nerfs. Yeah. Paris sur les nerfs. MTP sur les nerfs. Wow. Believe that. Ça se passe sur le ATA Batour, partie 2, négro. Et ça, par contre, en concert, c'est un morceau de dingue. Hein. Il fait partie c'est des morceaux où c'est un truc juste incroyable, ce morceau. C'est incroyable. Incroyable. Trop d'énergie sur ça. Et bah, les prochaines dates, c'est le 13 février à Nantes, le 14 à Aulnay, c'est blindé déjà, le 19 à Reims, le 21 à Magny-Longue, le 27 à Mulhouse, le 28 à Metz, le 13 mars à Ris-Orangis, le 14 mars à Vannes. Et on me faisait remarquer d'ailleurs très justement, c'est drôle pour un mec qui s'appelle Joe qui va à Vannes. c'est pas de moi, hein. j'ai vu un tweet passer avec le hashtag joke sur Skyrock. Ouais, pas mal, tu vas te marrer là-bas le 14 mars. Le 27 c'est à Sannois, le 28 au Festival Chorus de Nanterre, le 2 avril à Savigny-le-Temple, le 3 avril à Morlaix, le 29 au Printemps de Bourges, le 5 mai à Lille et le 30 mai à Toulouse pour joke en tournée et en répète. On l'a vu, tu en répètes aussi, c'est pour ça que tout à l'heure tu peux avoir un petit ouais, des choses qui arrivent. J'ai des petits trous de mémoire de temps en temps. Des choses qui peuvent arriver. Mais il y a beaucoup de morceaux dans le. Mais c'est ce que j'allais dire parce c'est que tu nous disais tout à l'heure, il y a 7 projets en tout là. Il y a 7 projets en tout et là sur la tournée, on explore à peu près 3-4. Non, 4, ouais, 5 projets même, non? Ah ouais?

dédicace à la paillade. Casino à l'instant avec Stinas qui était là ce soir aussi avec nous et qui a produit le son, de Joke et un morceau que vous retrouvez sur Ateyaba. Demain encore d'autres packs Casino à choper. D'autres packs Casino. 20 et 21. D'autres live. Et d'autres peut-être le new shit, on en est où dans ce new shit les gars? Ce new shit, je sais pas frère, parce qu'il faut le mixer tout ça, c'est compliqué. Ça va, attends. Faut voir. Il reste deux soirées, on va voir le temps de mixer. Oumar. Ou avec Benjamin Chulvani, mais je sais pas où il est. Il est parti se planquer quand on parle de mix, quand on parle de réserver des studios pour mixer, il est parti se planquer. On verra. Bon, peut-être demain ou vendredi. Peut-être des new shit, mais c'est pas sûr. Ça va dépendre des demandes. Ah bah, ça n'arrête pas les demandes. Les gens, ils disent, on est mercredi, toujours pas de new shit. Un message de new shit. Tu plaisantes ou quoi? Moi, j'en ai vu plein. Ah ouais? Bah ouais. On n'a pas vu les mêmes messages. Je sais pas sur quoi t'es bloqué, Oumar. On est des new shit ou quoi? Toi, tu regardes plus ces images qui défilent. Tu regardes plus ces images qui défilent, Oumar. Je sais pas pourquoi t'es. Je vais voir s'il y a écrit new shit là. Il y en a plein. Il y en a plein. Allez, balancez. Et bah, balancez avec le hashtag joke sur Skyrock. On fait un new shit. Voilà. Voilà, ça y est, c'est parti. Okay. On veut du nouveau son de Joke avant la fin de semaine. Vous balancez le message avec le hashtag Joke sur Skyrock et on fait tourner la roulette tout de suite. Skyrock t'offre la superstar US. Nicki Minaj. En concert avec ta radio préférée. Salut Mélissa, ça va bien? Ouais. Tiens, Oumar, est-ce que tu peux mettre le casque s'il te plaît? Mélissa, je crois qu'elle veut te parler. Elle habite Nantes, Mélissa. Et elle vient utiliser son droit de réponse puisque tout à l'heure tu as annoncé un 4-0 PSG Nantes. Ça a commencé là, non? Pas encore à 21h, dans 10 minutes. Ça va commencer là. Mélissa, bienvenue. Je te présente Joke. Salut tout le monde. Tu étais énervée, Mélissa, avant de faire tourner la roulette. Bah, un peu, ouais. J'ai entendu un petit 4-0 là pour Paris. Ouais. Moi, je suis de Nantes, hein. Je dirais plutôt 4-0 pour Nantes, non? Ah. Tu crois à ça encore? Tu crois pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Ok. Mélissa, en tout cas, je t'envoie Oumar pour en discuter. Il débarque vendredi avec Joke. Ils viennent en concert. Si on gagne 4-0, il se passe quoi? Au festival Hip Hop Session de Nantes le 13 février, c'est vendredi. Qu'est-ce que tu as dit? Y'a pas de soucis. D'accord. Mélissa, on fait tourner? Y'a pas de soucis, on fait tourner. Allez, dès que tu veux. Fais tourner. Là, tu les vois les messages? Ah, ils sont déjà énervés, ils sont sur les nerfs là-bas. C'est ça, ouais. Et Mélissa, garde des forces. 25-26 mars, il y a le concert de Nicki Minaj et il y a deux places pour toi. Ça y est, c'est fait. C'est un truc de ouf. Et bah voilà, merci beaucoup, Skyrock. Même si Nantes ne gagne pas ce soir, tu auras quand même le sourire, Mélissa. Ça, c'est ce que vous dites, ça. Allez, on suivra ça chez Diffoul dans un instant, là, à partir de 21h pour le match de foot. On te fait des bisous, Mélissa. Des gros bisous à Skyrock, des gros bisous à tout le monde. Et bonne chance à tout le monde. Et bon concert avec Joke qui débarque le 13 février au Festival Hip Hop Session. C'est vendredi du côté de Nantes. Merci Joke. Merci à toi. Merci Bips. Merci à toi Fred. Ah, Benjamin, on va un new shit. Benjamin, comme il est là, Benjamin, le patron du label Def Jam, hein, qui vient d'arriver. Et il paraît qu'il faut raquer un peu pour aller mixer le morceau. Donc demain, il faut. Pour le new shit. Demain, pour le new shit, il faut sortir des. Vous allez même pouvoir mixer un album vu comme il est généreux ce soir, Benjamin. Ouais, on sait pas ce qu'il a fumé. Et ben on aura plein de titres inédits d'ici demain et vendredi. Merci Benjamin. Il a fumé du nouveau shit. Oui, c'est autre chose. C'est pas une shit qui veut dire. C'est Fred. Moi je dis rien. Je rappelle que fumer est dangereux pour la santé. Exactement. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Donc merci demain rencard 20-21 et là c'est Diffoul qui est là normalement. Et ouais. Yeah. Ça va? Ça va et toi? Écoute, en pleine forme. Quoi. Très bien, oui. C'est bloqué dans l'ascenseur, mais à part ça, ça va. Ah oui? C'est oui. Sympa. On vient d'arriver. Je vous conseille de prendre des escaliers, hein, Joke. Si tu veux pas passer la nuit à Skyrock. C'est mieux. Ouais. C'est bloqué. Ah, ouais. Tout le temps bloqué dans ces celui de droite. C'est l'anniversaire de Romano aujourd'hui. C'est vrai ou pas? Eh ouais, il est là. Et oui, 21 ans il a aujourd'hui. Et il naît précisément dans 20 minutes à 21h15. Et lui aussi aimerait bien un new shit ou du shit ou pour son anniversaire. J'entends du shit. Non, un new shit, un nouveau son. Toi qui maîtrises totalement l'anglais, Diffoul. A new shit, oui. A new shit. Il y a Tim Joke Z qui nous dit, lui, il a fumé du new shit, Joke, sur Skyrock. Tim Joke Z qui dit ça. C'est un petit message sur Twitter que je viens de voir, là, qui défile. Il doit être sur vos écrans, là aussi, dans Planète Rap. Ouais. Ça défile tellement vite qu'on a dû le louper. Ouais, c'est ça. Bah, continuez à faire péter tout au long de la soirée, là. Faites défiler. 41759, skyrock.fm, Twitter, Facebook, et puis, tous les réseaux pour nous joindre tout au long de la soirée. Joke, on te donne rendez-vous demain à partir de 20h. À demain. À demain. Et demain, 20h-21h, pour le Planète Rap de Joke, tout au long de la semaine, à pas louper. Mmh. Et puis là, 21h minuit, toute l'équipe qui est là, la Marie qui a chaud, qui se... Ouais, elle a chaud. Je me dandine. Je pense que ça va être chaud, soir. Oh là là. Oh là là. Oh là, là. J'ai envie de rester, ces histoires. Joke, ça te donne envie de rester bloqué dans l'ascenseur, non? Ouais, mais tout seul, c'est pas drôle. T'enverras la Marie pour te sauver. Ouais, toi. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, dis donc, t'es pas sorti avec moi. Non. Bon, c'est parti pour la radio libre. Oh là là. Voilà. Il y a des propositions. C'est ambitieux, quoi. C'est radio totalement libre à Skyrock. Hein. Eh ouais. Allez-y. Et dans un instant, c'est... Marc Ronson et Bruno Mars. Ouais, on va démarrer avec Marc Ronson et Bruno Mars tout de suite sur Skyrock. C'est le son qui arrive maintenant, dans une minute. Et puis bah, derrière, c'est à vous de jouer au 41-759 sur l'appli, puis au 01 53 40 30 20 pour faire péter toute cette soirée. Merci Joke, à demain. Ciao, à demain. Ciao, ciao. À demain. Ciao. Et radio libre en direct jusqu'à minuit. C'est parti. On y va, bah, tout de suite. Ciao. Ciao, Fred. Ciao.